Chapitre 15. Concours extraordinaire et continuel des peuples au tombeau de la bienheureuse Germaine. Je ne sais s'il faut appeler effet, ou plutôt occasion des miracles si nombreux et si éclatants par lesquels Dieu se plaît à exalter la sainteté et les mérites de la bienheureuse Germaine, ce concours de personnes de toutes classes qui vont sans interruption visiter à Pibrac le tombeau de la bienheureuse. Il est certain que la renommée des prodiges précédents attire les peuples et les excite à une vive confiance d'en obtenir de nouveaux. De là le concours qui se fait de toutes parts pour venir, soit demander des grâces, soit accomplir des vœux en remerciement des grâces déjà reçues. Il semblerait que Dieu ait voulu dédommager ainsi sa servante des humiliations et du total oubli où elle passa sa vie, en rendant plus que jamais son tombeau glorieux après sa mort. Il n'y a pas d'époque ou de saison dans l'année où ne viennent des compagnies de pèlerins qui, réunies en troupes plus ou moins nombreuses, se rendent à Pibrac, conduisant avec eux des infirmes de toute espèce, estropiés, contractés, aveugles, couverts de plaies et affligés d'autres infirmités. Il en vient même de Paris et d'autres provinces encore plus éloignées, et quelques-uns d'entre eux à pied, et récitant pendant la route de pieuses prières. Ce ne sont pas seulement des gens de la classe vulgaire, mais de nobles et riches personnages, des magistrats distingués, des cardinaux, des archevêques et évêques de sièges considérables, des prêtres et des religieux de toutes conditions. On vit même des princes, des membres de familles royales, se transporter dévotement à Pibrac pour visiter le tombeau de la bienheureuse Germaine, et quelques-uns implorer d'elle secours et aide dans leurs infirmités. Ainsi que fit la princesse de Béra qui, ayant obtenu quelques grâces, envoya une somme d'argent au tombeau de la bienheureuse. Dans ces dernières années surtout, depuis que la cause de la béatification a été entamée par la sacrée congrégation des rites, le concours et la ferveur des peuples s'accrurent de telle sorte qu'on dut, pour la plus grande commodité et le transport plus rapide des étrangers et des voyageurs, établir un service régulier de voitures qui, chaque jour, partent et retournent plusieurs fois tour à tour de Toulouse à Pibrac. Ainsi, là où auparavant il n'y avait que de pauvres et mesquines bourgades dont on connaissait à peine le nom, on trouve un village qui, grâce aux vénérables ossements de Germaine, ce précieux trésor qu'il renferme, est devenu célèbre et renommé par tout le royaume et même à l'étranger, et qui, ayant perdu son nom propre, est communément appelé par tout le monde non plus Pibrac mais Sainte-Germaine. Et en effet, il a bien raison de garder avec une jalouse sollicitude ces dépouilles sacrées qui sont sa gloire, son ornement et sa richesse. À ce propos, il ne sera pas désagréable au lecteur de lire le récit suivant. On avait déjà désiré à Toulouse commencer le procès d'enquête touchant la vie et les miracles de la servante de Dieu, et on voulait y joindre un autre procès qui s'appelle « De non cultu », dans lequel on doit prouver par les dépositions devant témoins que l'on n'a pas rendu ou qu'on a supprimé toute espèce de culte public non approuvé par le Saint-Siège ou non conforme au décret d'Urbain VIII. Or, ce procès ne pouvant pas se faire à Pibrac, et au lieu même où était le tombeau de la servante de Dieu, Monseigneur l'archevêque de Toulouse ordonna que la commission qui était chargée de l'informer s'y transportât. On ne sut pas plus tôt dans la terre de Pibrac que, à peu de jours de là, viendrait de Toulouse le vicaire général et avec lui les autres chanoines, procureurs et notaires ecclésiastiques, que tous commencèrent à soupçonner, puis regardèrent pour certains que ce serait précisément là le moment où on leur enlèverait le corps de la sainte bergère. Il s'adjoignit pour exciter la susceptibilité du peuple certaines personnes intéressées du pays qui, craignant de perdre, par la soustraction des précieuses reliques, le gain qu'ils retiraient du concours de pèlerins, appuya les réclamations de la rumeur publique et excita les esprits, déjà échauffés, à résister avec force. Tout cela fit que le village fut en un instant tout en soulèvement et en tumulte. Riches et pauvres, grands et petits, gens de tout âge et de toutes conditions, se levèrent en grande rumeur et, respirant l'indignation et la colère, ils se portèrent en foule et se mirent à tourner et retourner autour de l'église et du cimetière, prêts à garder et à défendre, même au prix de leur vie, le dépôt sacré de la dépouille de la bergère. Sur ces entrefaites, arriva de Toulouse la commission, qui fut accueillie de loin par des cris tumultueux et par les plus ardentes menaces. Ayant appris la cause du tumulte, le vicaire général harangua la multitude, mais on put à peine entendre sa voix. Le peuple, furieux de plus en plus, faisait entendre des vociférations de toutes parts, et le curé d'une paroisse voisine eut le bras tout contusionné d'un coup de pierre. À la fin, non sans grande difficulté, on obtint d'entrer dans l'église, qui aussitôt se remplit d'une foule de peuple. Alors, les plus jeunes et les plus emportés élevèrent la voix et poussèrent ce cri. « Nous ne voulons pas de béatification. Que Saint-Germain nous guérisse ici, dans nos infirmités, et cela nous suffit. Nous n'en désirons rien d'autre. Sainte-Germain est notre propriété. Nous ne la céderons pour rien au monde, et nous ne permettrons jamais qu'elle soit enlevée d'ici. » Le vicaire général, M. Jacques Baillez, plus tard évêque de Luçon, s'efforça à plusieurs reprises de calmer la multitude, mais tout fut inutile. Ses écervelés ne voulaient rien entendre. Enfin, il se fit un moment de silence. On put élever la voix et protester qu'on n'avait jamais eu l'intention d'enlever le corps de Germaine, que ses restes sacrés ne quitteraient pas Pibrac, que personne, ni avant ni après la béatification, n'oserait jamais les soustraire, que telle était l'intention de Monseigneur l'archevêque de Toulouse, et que rien ne serait changé à l'état actuel des choses, ainsi qu'il l'avait assuré lui-même. Mais le vicaire général et les autres commissaires avaient beau dire et protester, le peuple, dans cette effervescence des esprits, ne voulait ni les écouter, ni se fier à eux. C'est pourquoi toute cette première session se tint au milieu du bruit des menaces et des protestations. Le préfet du département et le procureur général voulaient en venir à la voie des châtiments contre les principaux auteurs du tumulte. Mais les autorités ecclésiastiques intervinrent, demandant grâce et merci pour les coupables, qui en définitive n'en étaient venus à ces excès que parce qu'ils étaient mus par un sentiment de vénération et de jalouse sollicitude pour ce trésor sacré qu'ils possédaient et qu'ils voulaient avant tout garder comme leur propriété. N'avait-il pas raison, d'après tout ce que nous avons raconté jusqu'ici ?